Mardi 15 avril, vous écoutez l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Ça me fait grand plaisir de parler de l'univers des arts visuels. Aujourd'hui, à l'émission, on discute avec Céline Marcotte, la directrice de Folliculture, au sujet de l'exposition Aliénés de tous les pays, unissons-nous, qui est présentée dans les anciennes cellules du pavillon Charles Baillarger du Musée national des beaux-arts du Québec. Dominique Savoie viendra nous parler de l'exposition Herman's House, qui est de Jackie Sommer, qui est présentée à la Galerie des arts visuels. On reçoit également Anne-Sophie Blanchet, qui est commissaire de l'exposition L'art se trame en ville à la maison Amel Bruneau, qui sonnait d'une certaine manière le coup d'envoi des manifestations relatives à la manif d'art 7 qui débutera le 3 mai prochain. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et le tout, comme à l'habitude, sera entrecoupé des sélections audio de Simon Roy. Bonsoir Simon. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Cette semaine, on écoute, je ne sais pas si je le prononce bien, bagre ou bagré. Oui, c'est bagré. Ça veut dire poisson-chat en espagnol. Oh. C'est un artiste de la ville de Talca au Chili. Donc, on se promène un peu comme à l'habitude. L'album s'intitule BGR. C'est un petit EP de 4 ou 5 pièces, je pense. Un album vraiment efficace, tout simple. C'est des percussions expérimentales. Ça se rapproche beaucoup du hip-hop abstrait. Donc, une belle petite découverte. Un album simple. Ça mélange donc percussions expérimentales, un peu de field recording, puis un peu d'échantillonnage de voix au travers de ça, des voix assez mystérieuses du fait qu'ils sont en espagnol pour nous, mais j'ai trouvé le mélange vraiment intéressant. Les pièces, en plus, j'imagine que c'est assez punch parce que les pièces sont très courtes. Oui, c'est ça. C'est un album qui s'écoute assez rapidement. C'est une belle petite découverte. Quelqu'un qui veut essayer un album, pas trop passer de temps, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Ben Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On t'écoute à Web Music dimanche soir à 20h. C'est bien ça. Voilà, sur les ondes de CKRL. On écoute tout de suite une pièce, on écoute BGR 00 sur les ondes de CKRL. On est de retour à l'aérospatiale et j'accueille à l'instant Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour. Raymond, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pas des nouvelles très positives pour commencer. En fait, c'est toujours triste de souligner des décès, des disparitions. Et dans le cas de cette semaine, c'est l'artiste Paul Lacroix qui est mort jeudi dernier, la veille de son 85e anniversaire. Évidemment, on lui donne beaucoup d'hommages et on souligne beaucoup sa carrière au fil des médias. On souligne ses qualités de pédagogue, ses qualités de créateur également à la recherche de nouvelles formes, en soulignant qu'il laisse dans le deuil tout le milieu des arts visuels de Québec, dont il a été un agent très, très actif, évidemment. Dans un article du Soleil, on cite une ancienne élève devenue amie qui dit que c'est un passeur, un éveilleur qui a transmis sa passion dans son enseignement. Évidemment, ça, on rappelle, quand on parle de pédagogue, c'est qu'il a été professeur à l'École des beaux-arts de Québec, à l'École des arts visuels ensuite de l'Université Laval. Il a fréquenté différents ateliers. Il était très présent aussi dans les différentes activités, vernissages et autres. Et évidemment, en matière de production aussi, il y a quand même eu deux expositions au Musée national des beaux-arts du Québec, entre autres. Sa plus récente remontait en 2010, c'était à la galerie Lacerte. Oui, je l'avais reçu d'ailleurs. Très belle expo, qu'est-ce qui en était ressorti, en fait, une belle exposition solo sur des photos. Des photos de ses photos, il me semble. Qui avait brûlé, donc inventaire d'une vie avant liquidation. Ah oui, c'est ça. Et, Donc, ça frappe, remis en contexte? Oui, mais en fait, dans le contexte, c'est sûr qu'on est quand même, bon, pratiquement 4 ans plus tard. Ouais, je sais, mais... Mais c'est son dernier solo, effectivement. Et ben, pour l'instant, en fait, il n'y a pas de cérémonie majeure qui est prévue autour de ses funérailles. Cela dit, du côté du Musée national des Beaux-Arts, on a intégré dans un des corridors, je crois, dans un des espaces communs accessibles à tous, une œuvre de M. Lacroix, justement, pour lui rendre hommage et pour souligner sa présence. Présence aussi dans les collections, évidemment. Voilà, donc il laissera un héritage. Effectivement, de nouvelles tristes. Sinon, dans un tout autre registre, en fait, l'École des arts visuels de l'Université Laval a annoncé la création d'un nouveau micro-programme. Un sujet intéressant, en fait, c'est un micro-programme sur l'art dans l'espace public. Alors, c'est un cursus qui vise à mieux outiller les étudiants et étudiantes face aux nombreuses exigences liées à l'intégration des œuvres à l'architecture et autres initiatives qui favorisent l'art dans l'espace public. Alors, en lien, évidemment, notamment à la règle du 1%. Alors, on verra si, effectivement, ce cours-là est assez en demande. Évidemment, c'est un programme de deuxième cycle, donc il faut être titulaire d'un baccalauréat en art visuel, architecture ou en design, ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente, évidemment. Alors, ce sera intéressant. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même là, une pratique, une réflexion qui est importante dans le domaine de l'art public, mais qu'il y a peu de formation spécifique jusqu'à maintenant. Alors, on juge que c'est un manque auquel il fallait pallier. Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi. Sinon, autre nouvelle, la liste préliminaire des candidats au prix Sobé pour les arts 2014 a été rendue publique. C'est la plus haute distinction, on le rappelle, dans le domaine de l'art contemporain au Québec. C'est un prix qui est remis depuis 40 ans. Je vous épargne les prix du côté des autres provinces, c'est souvent des noms qu'on voit moins passer. Je mentionne peut-être au passage Graeme Patterson, qui avait eu une exposition à Québec il y a quelques années. Il y en a quelques autres comme ça, donc des gens qu'on a eu l'occasion de voir ici dans la capitale. Pour ce qui est des artistes du Québec qui sont dans la liste préliminaire, il s'agit d'Olivia Boudreau, de Diane Morin, de Nadia Mir, dont on a parlé à l'émission il y a quelques semaines, Dominique Pétrin également, que tu as déjà rencontré, John Raffman aussi. Alors, on verra qui de cette liste se retrouvera évidemment dans la liste finale un peu plus tard cette année. Eh bien, on croise les doigts. Oui. Sinon, autre nouvelle, simplement un petit clin d'œil. Du côté de Montréal, vous allez avoir papier du 25 au 27 avril prochain. On attend quand même presque 12 000 visiteurs dans une grande tente qui sera montée dans le secteur du Vieux-Port. On espère donc pouvoir rameuter les gens autour de l'univers du dessin. C'est une nouveauté, d'ailleurs, en fait, cette année. On la déplace donc vers la place des Arts à l'angle de Sainte-Catherine, la rue Clark. Ça quitte le quartier des spectacles. Et enfin, on présente l'événement comme étant un événement, et je cite, qui ratisse très large, donc qui est assez unique également parce qu'il offre la possibilité aux gens de discuter avec ceux qui font des choix artistiques dans les galeries et pas un lieu de vente sous pression, mais plutôt on vise à travers ça de créer un lieu de démocratisation de l'art. Voilà. Et dernière petite nouvelle? Ben oui. Toujours. Alors, on parle d'une pétition, en fait, qui est déjà signée par plusieurs personnalités, qui a été lancée sous forme de lettre ouverte à la mairie de Paris et au premier ministre français, tous deux d'origine espagnole. Question de sauver le grenier des Grands Augustins où Picasso a peint Guernica. Alors, en fait, plusieurs personnalités, vedettes et autres ont fait cette demande. Alors, on estime que l'atelier où cette peinture a été faite et où Picasso a travaillé du côté de la France, mériterait d'être préservé. Alors, pour l'instant, en fait, c'est, disons, un projet de transformation en résidence hôtelière de luxe qui est mis de l'avant. On dit qu'il y a des héritiers du peintre qui seraient prêts à financer intégralement une fondation qui aurait maintenu la vocation patrimoniale du bâtiment. Alors, on dit, discuter. Alors, est-ce qu'il faut préserver ce lieu-là? De quelle manière le préserver? Est-ce qu'au contraire, les autorités devraient permettre la transformation de vocation? C'est un débat qui risque d'avoir dans la France au fil des prochaines semaines. J'imagine qu'on va suivre ce dossier-là, comme les autres dans notre pile, qui finalement descend jamais vraiment et qui continue de monter. Il y en a toujours de monter, des nouveaux. Hein? Toujours des nouveaux. Ou ceux qui se rajoutent, c'est pincé, ça, on ne sait trop. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vendredi, t'animes la vie en BD à 17h30. Oui, et on fait l'histoire de la bande dessinée québécoise jusqu'en 1979. Voilà. Donc, l'invitation est lancée. On s'en va en pause audio. On écoute la pièce BGR-01 sur les ondes de CKRL. C'était un extrait de la pièce BGR-01 de Bagré, une suggestion de Simon Roy. Je vous invite à aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com pour écouter l'émission en balado-diffusion, pour aller aussi télécharger les pièces que nous propose Simon, pour voir les liens aussi pour la revue de presse et autres. Voilà, l'invitation est lancée. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Comme je disais en début d'émission, mercredi dernier, mercredi avait lieu, je dirais, un des premiers événements de la entourant la manif d'Arcette. C'est mardi? Ben oui, c'est déjà vrai. Bon, ben voilà, celle que vous venez d'entendre, c'est Anne-Sophie Blanchet, la commissaire. Bonjour. Bonjour. Donc, l'exposition « C'est l'art, cette trame en ville » qui est présentée à la maison Amel Bruno. Anne-Sophie, c'est ta deuxième collaboration comme commissaire avec la manif. Oui, c'est toujours un grand plaisir, un honneur aussi de faire partie de cette biennale en art actuel qui est très importante, puis deuxième chance de faire mes marques en tant que commissaire. Ben aussi, ouais. J'étais très contente, là, ça prouve qu'ils ont aimé mon travail la première fois. C'est donc les gens de la manif là qui t'ont approché parce que tu avais fait transfert là, donc écrit de deux manières différentes. Oui, c'est ça. À la dernière édition. Absolument, c'est Claude Bélanger qui m'a présenté à la maison Amel Bruno pour justement qu'on développe là un projet d'exposition en partenariat là, avec la maison Amel Bruno. Il n'y avait rien, là, hein, je pense, par les autres années. Je pense pas que c'est la première collaboration, okay. Mais c'était pas systématique, okay, à moins okay. que je me trompe. Là, parce qu'il me semble pas, en tout cas, la dernière, il me semble pas y avoir eu quelque chose, là, mais on se lancera pas plus loin. Oui, c'est donc, une bonne question. Ce que tu disais. Continue. Donc, voilà, c'était pour développer là, un projet d'exposition en partenariat, un événement qui serait original et autonome à la maison Amel Bruno, mais qui aurait aussi des échos avec la thématique centrale de la manif d'Arcette, qui est la thématique de la résistance. Et là, tu as décidé de faire l'art se trame en ville, donc de t'intéresser à la ville, hein, le titre le dit. Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette thématique-là? Ben en fait, je cherchais d'abord quelque chose qui allait pouvoir intéresser la maison Amel Bruno, qui est opérée par la Ville de Québec. Donc, il y aurait des échos avec une des fonctions aussi principales. Ben ouais. On voulait aussi sortir les gens, les visiteurs de la manif de l'arrondissement La Cité, en les invitant à parcourir un peu la ville en tant que telle. Donc, en les amenant à aller à Sainte-Foy, à la maison Amel Bruno. Donc là, je me suis dit, bon, ben il y a peut-être quelque chose à faire avec l'idée de parcours, avec d'abord, la manif aussi est un parcours à travers la ville. Ouais. Il y a plusieurs lieux d'exposition. La maison Amel Bruno en est un nouveau qui se rajoute à ça. Puis encore, là, pour avoir des échos avec la thématique centrale, je cherchais des artistes qui avaient des pratiques artistiques qui nous permettent de réenvisager notre statut d'habitant de la ville, de citoyen, par des modes un peu plus interventionnistes aussi. Ouais, ouais, ouais. Qui nous amènent en quelque sorte à résister à nos idées préconçues de la condition urbaine, notamment avec l'idée de réseau aussi, là. Donc, c'est oui, la ville, mais il y a aussi beaucoup le thème des réseaux qui façonnent la ville, tant les réseaux tangibles que sont les chantiers de construction, ouais, les ouais. rues et tout ça, mais aussi les réseaux humains, notamment les réseaux sociaux, je pense ben notamment ouais. à l'œuvre de Doyon Rivet. Donc, tous ces réseaux humains-là qui font que les gens tissent des liens entre eux et permettent à la ville de réellement prendre vie. OK, donc on voit vraiment là t'as couvert même avec assez large là, même avec l'idée même de la manif, c'est quand même C'est ça. T'as vraiment réfléchi à ton affaire, j'imagine, assez longuement. Il y a 5 artistes/collectifs d'artistes dans ouais. l'exposition. Cine, Charles-Frédéric Ouellette, Myriam Lambert, Doyon Rivet et le collectif Acapulco. Oui. Ça devait être dur de se limiter à 5, hein? Oui. Qu'est-ce oui. qui a fait que t'en as choisi soit juste 5 ou que tu as choisi ceux-là spécifiquement? Ben, de manière très pratico-pratique, pour ceux qui connaissent pas la maison Amel Bruno, c'est une maison du patrimoine qui est divisée en 5 pièces. Ouais. Donc, on trouvait que c'était logique d'avoir 5 artistes qui se feraient offrir une salle d'exposition où est-ce qu'ils pourraient vraiment investir l'ensemble de l'espace, ce qui a donné lieu là à 5 œuvres essentiellement installatives, où est-ce que là les visiteurs passent d'une pièce à l'autre et sont littéralement immergés dans l'œuvre, soit photographique, vidéographique, vraiment installative comme dans le cas de Myriam Lambert, plus culturelle dans le cas d'Acapulco. Puis aussi Doyon Rivet, là, qui est aussi une œuvre qui se poursuit sur Internet, mais on aura peut-être l'occasion de dire. Ben oui, mais pourquoi en parler, ne pas en parler maintenant? Oui. Doyon Rivet, c'est quoi? C'est, j'ai oublié le titre. Pouce en l'air, logo Pagus. Oui, donc un clin d'œil très direct aux réseaux sociaux. Ben oui. L'ensemble de leur pratique est traversé par les notions de communication et de représentation. Cette installation-là met en scène Logo Pagus, qui est un personnage à l'image du duo Doyon-Rivet. Donc, c'est en fait deux personnages reliés par la tête, qui sont siamois, si on veut. Ouais. C'est une sorte d'autoportrait, une sorte de représentation aussi de leur collectif. Et les personnages, précisons-le, là, je ne sais pas si on l'a dit, c'est moi qui ai perdu le film, mais ce sont comme des mascottes, là, des genres oui, de grosses poupées. Je pense pas l'avoir mentionné. Effectivement, c'est un très bon détail à ne pas oublier. C'est une mascotte très ludique, très jolie, assise à un bureau devant un écran d'ordinateur. Et à l'écran, on peut voir la page Facebook de Logo Pagus, qui est une vraie page. Et là, les gens sont invités, les visiteurs, à se prendre en photo avec Logo Pagus dans la salle d'exposition, faire des selfies, là, à poster l'image sur Facebook, à laisser des commentaires aussi. Donc, leur œuvre, oui, est matérialisée dans la maison Amel Bruno, mais se poursuit aussi à travers les réseaux sociaux et par la participation des visiteurs et des spectateurs. On construit collectivement l'identité de Logo Pagus, la mascotte. Et nécessairement, son identité, elle est multiforme, là, parce que c'est vraiment chaque personne. On peut écrire aussi sur le mur avec un feutre, comme si on écrivait un peu sur un mur sur Facebook, finalement. Oui. Et j'imagine que cette idée-là aussi d'identité multiforme, changeante, évolutive. Oui, absolument. Ben, en fait, c'est vraiment une réflexion sur la façon dont on se construit notre identité personnelle à travers le regard de l'autre avec un grand A, ce qui est assez paradoxal, dans le fond. Puis chaque changement de statut, chaque post, chaque photo va contribuer à nous construire une identité qu'on projette à l'extérieur et qui peut, comme tu le disais, être très multiple et changeante, évoluer au gré de la mode, au gré des commentaires, au gré des appréciations de chacun. Effectivement, puis en même temps, ben ce décalage-là, il me semble, entre la représentation de Doyon-Rivet avec Logo Pagus, c'est aussi comme une sorte de frontière entre ce qu'on est réellement. Absolument. Puis ce qu'on projette, parce que moi j'ai bien beau briller, on dirait le bel esprit, il y a des fois sur Facebook qui revient, là, comment je vais trouver le plus beau statut, mais au fin fond, ça dit rien. Oui, puis dans ce sens-là, le principe de la mascotte est pas anodin, parce que on crée une mascotte pour représenter des valeurs, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la mascotte aussi? On oublie souvent l'essentiel du personnage, on se fie souvent à la coquille, là. Donc, c'est ça. Absolument. Puis la mascotte, en plus, bon, c'est exagéré, là, on pourrait... Ah oui, on pourrait aller très loin. Oui, c'est ça, on pourrait aller loin sur l'idée de la mascotte. J'ai envie d'aller dans un autre ordre d'idée complètement, puis de parler des chemins des disparus de Myriam Lambert. Là, on est vraiment dans une autre perspective, puisque elle s'est intéressée en résultat d'une résidence qu'elle a fait en Argentine sur la dictature de 1976 à 1983. Puis elle nous fait une installation avec les clochettes, puis bon, des gens qui sont disparus sous cette dictature-là. Peux-tu, là, je viens de la présenter globalement, mais peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, c'est sur un ton beaucoup plus dramatique, on l'aura compris, que Doyon-Rivet. C'est le résultat d'un très long processus de recherche qui s'inscrivait d'ailleurs dans sa maîtrise. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est lors d'une résidence en Argentine, l'artiste a entrepris de parcourir différentes villes en Argentine, entre autres Buenos Aires, pour trouver des lieux de mémoire qui allaient lui permettre de symboliser ou de vraiment ancrer dans le physique de la ville ce qui constitue l'identité des Argentins, en fait. Donc, elle a posé des questions aux gens qu'elle rencontrait et assez souvent, elle lui répondait « C'est la place de mai, un certain jour de la semaine à une certaine heure, mais pourquoi ?» Et tout ça pour comprendre que finalement, à cette heure précise-là, à ce jour précise-là, sur la place de Mai, les gens se rassemblaient, entre autres les maires de la place de Mai, pour commémorer et dénoncer les disparitions qui sont survenues lors de la dernière dictature. Donc, son installation avec la constellation de petites clochettes qui pendouille du plafond. Suspendu à des cordes, hein, d'une simplicité. Là. C'est très efficace en même temps. La pièce est un peu sombre. C'est très propice au recueillement. Il y a une projection aussi sur le mur où est-ce qu'on peut voir apparaître les noms des disparus tranquillement à la dactylo. Là. Aussi une trame sonore qui est très évocative, là, avec des bruits de fusils. Encore là, le son de la dactylo, des chants aussi religieux. Donc, tout ça contribue à créer une ambiance propice au recueillement, à faire ressurgir la mémoire de tous ces disparus, puis aussi à inviter les visiteurs à comprendre le rôle essentiel qu'ils peuvent jouer dans, justement, ce processus de commémoration-là. En sonnant les cloches. En sonnant les cloches, oui. Donc, c'est très efficace, mais avec des moyens très simples. Dans le cartel, tu dis justement, pour nous rappeler que l'art, s'il peut pas toujours penser les blessures, à tout le moins peut donner une voix à des événements comme ceux-là, donc contribuer à dénoncer ou à, oui, puis à faire connaître. Ça s'inscrit beaucoup là, dans l'ensemble de la pratique de Myriam Lambert, qui s'intéresse beaucoup justement à la mémoire, aux lieux de mémoire, qui travaille étroitement aussi avec des groupes sociaux pour créer des œuvres qui sont très parlantes pour eux et qui s'ancrent dans le tissu social. Donc, le chemin des disparus, c'est vraiment ça. En terminant sur Myriam Lambert, j'ai juste envie de dire qu'une chose que j'ai appréciée, c'est de voir les noms apparaître un par un. Hein. Souvent, on voit des mémorials où les noms sont tous là, c'est figé, puis chaque personne devient comme se perd, tu sais, dans la masse des autres noms. Il y a un impact qui est fort, mais dans ce cas-là, c'est comme si on voyait cette vie-là passer, chacune de ces vies-là passer sous nos yeux. Donc, il y a vraiment une force. Ah oui, on peut vraiment supposer là, la quantité de disparus. Il y en a eu environ 30 000. Puis, ce qui apparaît dans la projection, c'est simplement les noms de A à C. Donc, puis pourtant, on a l'impression qu'il y en a. Mais on peut, je pense, apprécier davantage, soupeser davantage la quantité de personnes qui sont disparues et qui ont malgré tout une voix à travers les mouvements citoyens encore aujourd'hui en Argentine. Et là, dans ton exposition, même ça dit dans le communiqué ou dans le cartel, on voyage un peu. Là, on passe de Buenos Aires, on s'en va en Chine avec Charles-Frédéric Ouellet qui présente la quiétude des atomes. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment comme une image du contraste entre l'hyper-industrialisation vraiment effrénée de la Chine et sa population, finalement, qui s'adapte ou non, un quotidien là qui se poursuit malgré tout. Durant les 20 dernières années, il y a eu, comme tu le disais, un boom économique qui a engendré beaucoup de bouleversements dans plusieurs villes, principalement au nord de la Chine. Puis on voit là des gratte-ciels pousser littéralement, des quartiers qui sont détruits pour faire place à du neuf. Et malgré tout, ce que la série là de Charles-Frédéric nous montre, c'est cette espèce de tension là entre quelque chose qui est en train de se construire, un devenir qui est pas encore tout à fait là, et un passé qui résiste aussi. Dans une des images principales, celle qui est en très grand format qu'on peut voir dès qu'on entre dans la salle, on voit une petite maison, on dirait abandonné au beau milieu de gratte-ciel, mais on voit aussi là, le clash que ça fait de ce passé-là qui résiste, puis du devenir, en fait, de la ville aussi. Puis il y a plusieurs photos qui sont en noir et blanc, là, qui intensifient cette espèce d'intensité-là. Mm-hmm. Les photos aussi, là, il n'y a pas... Charles de Frédéric Ouellet, fait quand même pratique, je dirais peut-être un peu documentaire, mais on n'a pas cette impression-là, puisqu'il n'y a pas une narration nécessairement qui est suivie. On est plus dans les impressions, dans le cartel, je pense que tu parlais des flashs, justement. Oui. Ben, en fait, c'est que faut savoir que Charles-Frédéric a une formation technique en photographie, ce qui l'a amené à s'intéresser beaucoup à la pratique du photoreportage au début de sa carrière. Mais là, depuis quelques années, on observe vraiment une tendance à s'éloigner un peu de la narration et de la documentation visuelle pour plus laisser de place à l'interprétation aléatoire de la part du spectateur, ce qui l'a amené, entre autres, à présenter ses photographies non pas comme une série linéaire, mais comme une constellation sur le mur, littéralement. On voit des photos qui sont accrochées un peu là, comme une mosaïque, si on veut, et ce qui permet de rompre la narration et de plus travailler sur un assemblage aléatoire. On passe d'une image à l'autre, on reconstruit un fil narratif. Moi, j'aime bien voir ça comme on parcourt ces photos comme on parcourt les rues d'une ville étrangère, c'est-à-dire en se laissant surprendre, en voyant des choses nouvelles, en revenant sur nos pas, en faisant plus attention à certains détails la deuxième fois. Mm-hmm. Donc, la série de Charles Frédéric nous amène vraiment à faire un parcours visuel à travers une ville très éloignée en Chine. Il nous reste peu de temps, mais j'ai vraiment envie quand même qu'on parle des deux autres collectifs, en fait, parce que c'est ce qu'on a. Acapulco, tu as réuni le collectif Acapulco, là, ça faisait quand même un certain temps là, qu'ils n'avaient pas produit, qu'ils n'avaient pas produit ensemble. Oui, puis j'étais très heureuse qu'ils acceptent mon offre parce que c'est la première œuvre qu'ils font pour un format en salle d'exposition. Ouais. Habituellement, c'est des œuvres monumentales qui sont plus extérieures. On se rappelle leur maison, leur bon galop. Oui, là, le projet Clé en main qui avait vraiment fait son effet dans le quartier Saint-Roch. Encore une fois, ils récupèrent l'iconographie de la construction et de la ville, cette fois avec une bétonnière, puis aussi toutes les mains qui sont moulées en béton. Des pouces, hein, je pense, des dans pouces les en arts, l'air, comme les j'aime de Facebook. Ça fait lien avec Doyon Rivet, d'ailleurs. Oui, qui sont pratiquement présentés dans la même salle, en fait. Donc, c'est le fun aussi. Ça fait deux œuvres qui dialoguent bien ensemble. Donc, c'est ça. Ils récupèrent là, le vocabulaire de la ville, des matériaux aussi non nobles pour parler, encore une fois, de la façon dont on construit notre identité, les paradoxes de vouloir se représenter dans l'espace public. La bétonnière est présentée comme un monument public sur un socle, mais en même temps, elle est en train de couler du béton qui risque aussi de l'enliser. Donc, ça crée une espèce de tension. Oups! j'en échappe les écouteurs. et l'issue de l'anecdote est laissée en suspens et au spectateur de décider s'il approuve ou désapprouve l'ascension de la petite bétonnière sur son socle. Et peut-être en terminant, Anne-Sophie Blanchet, parce que là, vraiment, il va falloir qu'on termine rapidement. Un petit mot sur les propositions de Cine. Deux œuvres, une en vidéo et une en photographie, qui propose essentiellement de changer notre regard sur la ville, de réenchanter des milieux qu'on aurait oubliés, comme des sous-échangeurs d'autoroutes, des friches urbaines, des stationnements. Terrain vague. Donc, avec des méthodes très simples, par exemple, la table de pique-nique qui est posée dans un stationnement, on invite les citoyens à se réapproprier tous les espaces de la ville, comme quoi il n'y a rien de banal dans l'espace urbain, puis qu'on peut changer notre regard à tout moment. Voilà. Ben Anne-Sophie Blanchet, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, on a le temps d'aller voir l'âme, je sais pas pourquoi je me dis tout le temps ça. L'art se trame en ville, c'est à la maison Amel Bruno jusqu'au 15 juin, mais on y va plus rapidement que tard, parce que des fois, on oublie. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une pause au retour, on discute avec Dominique Savoie. Québec. Enfin, le printemps est arrivé pour vrai. La neige fond, la verdure apparaît, les oiseaux chantent et CKRL prépare sa programmation d'été. Vous avez envie de faire de la radio et de partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est temps de nous faire parvenir vos projets d'émission pour la saison estivale. Juin, juillet, août et un petit peu de septembre. Prenez le contrôle des ondes à chaque semaine. proposez une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire dans la section « Proposer une émission ». Faites vite, la date limite est le 4 mai prochain. Le Tam Tam Café, situé au coin Charest et Langelier dans le quartier Saint-Roch, est un restaurant d'économie solidaire et sociale ouvert dès 10h du mardi au vendredi. Plateau du centre Jacques-Cartier, le Tam Tam accueille les jeunes qui concoctent des menus simples et savoureux dans un cadre de formation et de mise en action. Du mercredi au vendredi soir dès 19h, le restaurant se transforme en salle de spectacle innovante, émergente, où l'on y découvre l'expérimentation culturelle sous toutes ses formes. Le Tam Tam est aussi un resto qui offre des cafés solidaires, initiative qui consiste à payer un café au suivant. Venir manger ou assister à un spectacle au Tam Tam, c'est découvrir et connaître le centre Jacques-Cartier. Du mardi au vendredi dès 10h du matin, tamtamcafé.org. En avril, au Bal du Lézard, enlève ta tuque pis tes gants parce que c'est le printemps. Le 12, David Robert et Dan Lemay. Le 19, mon oncle Serge pour la soirée de financement de Limoilou en vrac. Le 24, notre soirée à Capella. Le 26, le retour d'Interférence Sardine. Aussi au Bal, tous les jeudis, apporte ton vinyle, nos fameux 5 à 7 délirants et les délicieux hot dogs plus longs que nature. Le Bal, c'est tout ça et encore davantage. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, ouvert du lundi au dimanche. Lebaldulézard.com, on t'attend. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Thé et Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Voilà, il est légèrement dépassé 18h. On entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Et pour ce faire, on le fait avec Dominique Savoie. Bonjour. Salut. Dominique, je t'ai mandaté, en fait. Je t'ai dit, voilà. Ouais. À la Galerie des arts visuels pour voir Herman's House de Jackie Sommer. Ouais. T'as bien fait de me mandater parce que ça en valait vraiment le détour. Ouais, ben en fait, c'est ça. Présentement, la galerie nous présente l'artiste, américaine et activiste, Jackie Sommer, jusqu'au 20 avril. Donc, ça se termine là, dans 5 jours. Oui, donc courez vite, ça vaut la peine. En fait, le projet, c'est un projet qui, à la base... Ben, en fait, ça a commencé en 2001, mais... Le projet n'était pas encore, avait pas encore pris forme tout à fait. C'est que Jackie Sommer a commencé à correspondre avec un détenu qui s'appelle Herman Wallace, qui est un ancien membre des Black Panthers, donc qui était un mouvement révolutionnaire là, des années 60. Oui, c'est ça, très fort. Là. Très fort, qui était surtout contre le racisme là, envers les Noirs. Et en fait, cet homme-là est en prison depuis plus de 40 ans. Est confiné à l'isolement à la prison d'Angola en Louisiane. Et pendant ces 40 ans-là? Pendant près de 40 ans. Ah. C'est là, le nombre exact pas gagné, trop certaine, là, mais c'est mais... proche de 40 ans. Déjà, dès qu'on dépasse 2 jours, à mon avis, c'est, ouais, c'est intense. Ben, pendant près de 40 ans, en fait, il a été en isolement, confiné à l'isolement, à titre de punition pour potentiellement avoir tué, en fait, pour le meurtre d'un gardien de prison blanc. Meurtre qu'il a toujours nié, meurtre aussi dont il est accusé avec 2 autres de ses pairs des Black Panthers. Et donc il est en isolement dans cette prison-là, et donc Jackie Sommer décide de correspondre avec cet homme-là. Et au cours donc de cette correspondance-là, éventuellement elle lui pose une question. Elle lui pose cette question qui est « Quelle serait la maison de rêve pour quelqu'un qui vit dans une cellule de 6 pieds par 9 pieds? » 6 pieds par 9 pieds, hein? 6 pieds par 9 pieds, qui est exactement, en fait, la grandeur de la cellule d'isolement de Wallace. Et cette question-là, elle la pose au cours de sa correspondance. On est autour de 2003. Donc, on parle déjà d'il y a plus de 10 ans. C'est cette question-là qui devient le point de départ de son projet. Projet qu'elle mènera, qu'elle mène toujours, puisque c'est pas un projet qui est terminé. Et c'est le développement de ce projet-là qui est présenté dans la galerie des arts. Parce qu'à terme, elle veut faire la maison. Effectivement. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à partir de cette question-là, elle demande donc à Wallace quelle serait sa maison de rêve pour lui qui est confiné à l'isolement. Puis là, ce qui est vraiment important de dire, qu'il est confiné à l'isolement 23 heures par jour, 7 ouais. jours par semaine. Donc, ce qui est quand même assez angoissant quand on y pense. Et à partir des réponses de Wallace, donc Wallace lui sort une suite de commentaires, en fait, à propos de cette réflexion-là. En fait, il rêve carrément, là, à partir de cette question-là, et il lui détaille, en fait, sa maison de rêve. Sa maison de rêve, elle est immensément grande. Elle incarne, en fait, en même temps, elle a un grand jardin autour. Elle incarne un grand espace vert de liberté. C'est une maison qui est très fenestrée. Donc, on voit l'extérieur. Ouais. Donc, tu sais, on peut sentir un peu, lui, il est isolé, là, coupé de la vraie vie de l'extérieur. Donc, dans sa maison de rêve, c'est le contraire. C'est plein de fenêtres. Ce sont des fenêtres blindées. Ouais. C'est une maison en bois et en pierre. C'est quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie, donc soit dans un mouvement révolutionnaire ou soit en prison. Il se dit que avec une maison en bois, si jamais il était pris, il peut s'enfuir, mettre le feu à la maison. Ouais. Ça lui prend un potager, donc il a un grand potager, une serre, donc pour pouvoir cultiver ses légumes, un pavillon pour ses invités, une grande cour, une piscine. Et ce qui est trop rigolo, c'est que dans le fond de la piscine, il y a le symbole des Black Panthers. Ouais. Une grande cour avec un jardin, des arbres, un grand chêne, donc qui représente un grand lit aussi. Oui, c'est ça. Effectivement, donc quand on regarde, en fait, je vais expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dans l'expo ensuite. On peut voir que les dimensions de la maison sont vraiment très grandes. On arrive, puis il y a un bain, par exemple, qui est de la grandeur de sa cellule, 9 pieds par 6 pieds. Donc, tu sais, il va vraiment là avec de manière avec presque le rêve, avec là, le vraiment. Rêve, c'est ça. Tu sais, il idéalise beaucoup cette maison-là. Et en fait, toutes ces réponses-là sont pas faites dans une seule lettre. En fait, ça se fait au cours d'une correspondance, d'une très longue correspondance. D'ailleurs, quand on arrive dans la salle d'exposition, on peut voir quelques-unes de ces lettres-là. Ouais. Et ça vaut la peine. Souvent, on dit, on va passer rapidement, on va juste regarder. Ça vaut la peine même de faire l'effort de lire. On voit que durant toutes ces années-là, Jackie Sommel et Herman Wallace ont vraiment développé une belle relation. Oui, vraiment d'une grande profondeur. Oui, effectivement, il y a beaucoup une réflexion très philosophique à travers ça, puis c'est hyper touchant. Donc, on sort pas là intact. Là. C'est puis vraiment, on voit là, les enveloppes en plus, hein, toute la décoration qu'ils ont faite. Effectivement. Donc, quand on arrive dans la salle, on va en venir à l'exposition en tant que telle, c'est que à partir de cette question-là, donc, Jackie Sommel s'est mis à se dire « Bon, ben moi, je veux la réaliser, cette maison-là. » Et on rentre dans la pièce. À notre gauche, on a des plans architecturaux, sur lesquels on voit les détails, donc des étages de la maison, quelles pièces sont situées à quel endroit. On retrouve aussi, en fait, une maquette minuscule, donc avec un peu à l'échelle donc de cette maison-là, des dessins. On retrouve, entre autres, aussi, pour faire un peu la comparaison à partir de tous ces plans-là, aussi d'une cellule, donc une réplique exacte, donc à l'échelle, en bois de la cellule de 6 pieds par 9 pieds de Wallace, pour un peu nous donner le lieu où lui passait la plus grande partie de son temps. Oui, on met en contexte, en fait, là, regarde, il était là, ce qu'il veut, exactement. Puis, et peut-être le clou, en fait, de cette exposition-là, c'est l'espèce d'animation 3D qui nous est proposée, une sorte de visite virtuelle qui nous est proposée de cette maison-là, donc, avec des logiciels de design 3D. Elle a recréé, donc, la maison de rêve de Wallace. Et ce qui est, je trouve que c'est particulièrement touchant, c'est que la personne qui fait la narration, parce que c'est un homme qui explique, c'est pas Wallace. Ah mais non, c'est ça, un on de... espère. Non, mais c'est, la narration est assurée par un de ses, co-accusé, qui est Robert Hillary King, qui était un autre membre des Black Panthers, qui lui a été libéré, qui est aujourd'hui libéré, mais qui était aussi à la prison d'Angola en isolement avec parce Wallace. Parce que précisons que Wallace, en fait, a été libéré parce qu'il n'était pas coupable, puis il est décédé, trois jours après. En fait, c'est ça. Ce qui est l'ironie, c'est que on le fait rêver, puis tout ça, finalement, lui avait toujours nié le meurtre. En fait, les trois personnes accusées de ce meurtre-là avaient toujours nié le meurtre. Il n'y avait aucune preuve contre eux. Et c'est ça, un peu ironiquement, en fait, on a fini par le libérer en octobre dernier, en 2013, et trois jours plus tard, il décède d'un cancer. Un cancer qu'il avait déjà développé depuis quelques mois, donc... Mais bon, il a quand même pu goûter à l'air frais, à la liberté. Oui, ben en fait, une des dernières choses qu'il a dit, c'est « je suis libre, je suis libre ». Ouais. Et en fait, c'est un projet très ambitieux que présente Jackie Sommel, puisque on voit là, déjà en entrant dans la salle, c'est très grand. Et son projet officiellement avec tout ça, c'est de concrétiser ce rêve-là qu'avait Wallace. De la construire. De la construire. Et cette maison-là aurait une vocation. En fait, d'abord, elle serait située à New Orleans, la ville où est né Wallace, et où désormais habite l'artiste, puisque avec toutes ces correspondances-là, elle a pris possession aussi même des lieux d'où vient Wallace, parce qu'elle s'est vraiment liée d'amitié quand même assez forte pour cet homme-là. Et cette maison-là serait vouée en fait à recevoir les enfants qui subissent un peu les violences de la rue. Donc ce serait un milieu qui représente la sécurité, le confort et la protection pour ces enfants de la rue. Donc c'est un lieu qui se veut justement un lieu comme pur, sincère et protecteur. Mm-hmm. Donc à l'inverse de la prison. Ben ouais. Et le but aussi de ce travail-là, c'est de se pencher, de réfléchir sur, d'examiner à la limite la culture punitive de l'isolement et du système carcéral américain. Il faut dire qu'aujourd'hui encore, il y a plus de 80 000 personnes qui sont maintenues en isolement dans les milieux carcéraux aux États-Unis. Aïe, aïe. Donc c'est aussi ça que ça aborde. Donc parce que tu sais, oui, ok, le milieu carcéral, ça a ses fonctions, mais l'isolement 23 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant est-ce que c'est des longues toujours durées, nécessaire pour 80 000 personnes là, justement quand on pense à quelqu'un comme Herman Wallace qui est finalement reconnu non coupable, qui a passé près de 40 ans dans ces conditions-là, faut y réfléchir. Donc c'est un peu ça aussi le projet de Jackie Sommel. Puis ce qui est important aussi de spécifier, c'est que outre l'exposition, il y en a découlé aussi un livre, un site internet, un film documentaire qui vaut vraiment la peine en fait là, d'être vu. Et juste le site, ça vaut la peine. On en apprend plus sur l'artiste, sur l'homme qui était Herman Wallace, et surtout sur le projet. Voilà. Ben Dominique Savoie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, Herman Sal s'est présenté à la Galerie des arts visuels jusqu'au 20 avril, donc jusqu'à dimanche, je présume. Je suis pas trop sûre des dates et des jours de la semaine, mais bon, il nous reste 5 jours pour y aller. Ben merci beaucoup, Dominique. On s'en va en pause audio. On écoute la pièce BGR 02 sur les ondes de CKRL. Au retour, on discute avec Céline Marcotte. Esto es lo más extraño que yo he visto. Todos los habitantes del planeta están como en un trance. Están vivos y respiran, pero no pueden moverse. Esto es un verdadero misterio. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale. J'avais pas pensé quand j'ai pensé à mon line-up d'émissions, si vous voulez, le lien entre la prison de Herman Wallace et la prison du Musée national des beaux-arts du Québec, où on va faire un tour. Céline Marcotte, directrice de Folliculture, bonjour. Bonjour. Donc, en ce moment, depuis quoi, mercredi dernier? Depuis mercredi, le 9 avril. Voilà. Donc, vous présentez Aliénés de tous les pays, unissons-nous, donc dans les anciennes cellules. De la prison. Du Musée national des beaux-arts du Québec. C'est pas la première fois, tu sais, sur votre thématique annuelle, l'aliénation. C'est possible de nous rappeler un peu qu'est-ce que vous avez fait sur ce thème-là à date? Jusqu'à maintenant, on a fait Blogueurs en captivité à l'automne, qui était... on avait invité deux artistes à travailler, à faire un blog dans une boîte pendant 4 jours. Oui, c'était Martin Dufresne et Sarah Leroux. Voilà. Donc là, on a Aliénés de tous les pays. J'imagine que ça va être à suivre aussi. Il va y avoir autre chose sur le sujet. Il y a eu les minutes vidéo de Folliculture sur la thématique. OK. Ouais. Voilà. Donc là, Aliénés de tous les pays, unissons-nous. j'ai envie peut-être de vous poser la question de tous les pays. Hein? Donc, parce qu'on a un artiste, des artistes d'Italie, Finlande, Canada, Syrie, Grande-Bretagne, Thaïlande. Ouais. C'était quoi l'idée derrière cette volonté-là de s'ouvrir sur le monde? Ben, avec la thématique qu'on avait d'Aliénés de tous les pays, on a dit, bon, on va aller... Aliénés de tous les pays, unissons-nous. C'est un peu une boutade à la phrase de Marx qui dit « Travailleurs de tous les pays, unissons-nous ». Et on s'est dit, bon, on va jouer la thématique, ça, je peux dire jouer, on va explorer la thématique vraiment dans ce qu'elle est. Donc, on s'est dit, on va inviter des artistes qui viennent d'un peu partout. Donc, d'Asie, d'Europe centrale, d'Europe du Nord, puis du Québec. Puis, le choix de ces artistes-là, il s'est fait comment? C'est des invitations? C'est des appels de dossiers? C'est des invitations. On a travaillé... faut dire que on a voulu travailler en photo. C'est rare qu'on fait de la photo pour les cultures. Puis c'est aussi... je voudrais dire... Parce que c'est plus... c'est plus facile de faire circuler des photos que des sculptures, mettons. Ouais. On a des moyens limités. C'est un peu pour ça. Puis ça nous intéressait aussi vraiment de voir quel regard les photographes pouvaient porter sur l'aliénation. Donc, on a fait des recherches sur Internet. Il y a un des membres du comité de programmation qui avait vu en Thaïlande le travail de Chamarpon. Oui. Et il y a quelqu'un qui avait déjà vu aussi le travail de Pilvi Keto en Finlande. Mais sinon, Raïr, bon, nous, on connaît le travail de Sylvie Laroche qui est de Québec. Ben oui, puis ça s'imposait aussi, là, on en reparlera. Ouais. Donc, Raïr et Alessandro, on les a vraiment... on l'a vraiment trouvé sur Internet. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Puis on a trouvé que vraiment leur travail s'inscrivait dans la thématique. On les a invités, puis ils ont accepté de venir, d'exposer. Malheureusement, ils sont venus, ils étaient au lancement la semaine dernière, ils ont passé une semaine à Québec, ils ont vu l'exposition, puis ils ont participé à... On avait une discussion samedi au musée. Mais malheureusement, Raïr, qui est d'origine syrienne, notre bon gouvernement canadien ne lui a pas donné son visa à temps. Donc, il n'a pas pu se déplacer, mais il était invité, puis on était très tristes. Je comprends. C'était déjà arrivé aussi à la rencontre internationale de leur performance. Des fois, les artistes peuvent même pas venir, les performances qui sont annulées à la dernière minute. Peut-être qu'on pourrait commencer par parler de son travail, justement. Raïr Sarkissian, qui présente Unexposed. C'est une série de photographies qu'il a faites. Il a travaillé sur Les descendants des Arméniens et enfants qui ont dû se convertir à l'islam en 1915 à la suite du grand génocide et qui j'ai appris ma leçon et qui aujourd'hui se sont reconvertis donc au catholicisme et qui vivent encore une fois dans une sorte d'anonymat ou de entre guillemets clandestinité. Oui, voilà, parce que à cause de leur religion aliénés par leurs semblables. Donc, puis c'est des photographies. Faut dire que c'est des photographies qui sont assez touchantes aussi, qui s'expriment de façon poétique aussi. Puis on avait beaucoup aimé le travail de Ray. On était vraiment contents qu'il accepte de participer à notre projet. C'est vrai que ces photos sont touchantes parce qu'il y a toujours une sorte de zone de noir qui nous cache quelque chose et qui, moi, je trouve que ça contribue justement à accentuer l'effet d'aliénation, le trouble que ces personnes aussi peuvent ressentir. Oui, effectivement. Puis il manque jamais de visage. Il manque plutôt une posture ou des objets. Donc, des ambiances. Une ambiance, oui. Sylvie Larouche, vous présentez quelques œuvres de l'histoire de l'aliéné qui a vu l'aliéné, qui a vu l'ours. C'est une série qui date de 2012 où elle nous montre des portraits justement de gens qui sont marginalisés à Québec ou des marginaux aussi, peut-être, oui, tout simplement. C'est ça. C'est une suite, hein. C'est la première fois qu'on les voit, ces œuvres, les œuvres qu'on présente de Sylvie. Faut dire qu'on présente 3 photographies de chacun des artistes. OK. Et c'est des œuvres qui n'ont jamais été présenté. OK, mais donc ce sont des œuvres, d'autres œuvres qu'on avait vues, justement. C'est ça, c'est des œuvres qui n'avaient pas été présentées encore à Québec. Puis, on trouvait que ça fonctionnait bien dans la thématique de l'aliénation, bien que ce ne soit pas le travail de Sylvie. Elle travaille plus sur la rencontre. Mm-hmm. Elle va rencontrer des gens qui peuvent vivre une certaine marginalité par leur choix vestimentaire, leur choix de vie. Elle établit une espèce de rencontre. Elle va les voir. Elle établit une relation avec eux. Puis, jusqu'à venir les prendre en photo. Puis, elle leur a fait parler de l'aliénation aussi. Elle leur a demandé c'était quoi pour eux l'aliénation. Puis, quand on va voir l'exposition, ben, ils ont toute une petite phrase qui est présentée qui exprime leur aliénation, qui est beaucoup liée, je pense, à la solitude, solitude et au fait d'être un peu en marge de la société. Ben, il y a Denis qui dit « L'amour me rendit fou », Arsène qui dit « Être trop longtemps avec moi-même ». Donc, il y a un impact là avec ces phrases-là qui s'ajoutent aux photos. Oui, qui sont vraiment intéressantes aussi, le travail de Sylvie. Ça s'inscrit tout à fait, je pense, dans la ligne de ce qu'on voulait faire de l'aliénation. Et si on fait un petit tour en Italie, toujours en restant dans les anciennes cellules, Alessandro Imbriaco présente A Place to Stay. Là encore, on sent une sorte de vulnérabilité. Ce sont des abris temporaires d'immigration. Je ne sais pas si on peut parler d'immigration illégale, mais à tout le moins, on parle de colonies de peuplement illégale à Rome, en banlieue de Rome. Ouais, on peut parler de migration plutôt d'immigration. Enlevons de migration, c'est ça. Puis les gens se construisent des abris de fortune un peu partout, mais ce qui est beau, c'est ces photos sont vraiment aussi, encore là, c'est poétique, mais ces photos sont super belles, c'est des beaux décors, mais oups, au milieu il y a quelque chose d'insolite, il y a un abri qui devrait pas être là, qui reflète bien la situation des gens qui ont vraiment pas de, qui sont itinérants puis ils sont vraiment aliénés parce qu'en plus, ils sont, non seulement ils sont itinérants, mais en plus, ils sont apatrides, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ils sont vraiment migrants. Ils sont immigrants illégaux, carrément. Et du côté de là, j'ai l'impression de faire une liste, mais j'ai envie qu'on parle de tout le monde. Là, je suis pas trop sûre de la prononciation. Céline Marcotte, Chamaeporn Watkien, artiste de talent de Thaïlande qui s'intéresse avec la série I'm Perfect. Ouais. C'est vraiment à l'anorexie. Et là, ça c'est des images. Là, on en a déjà vu des images d'anorexie, mais celles-là sont particulièrement frappantes, hein? Des images assez léchées, très mises en scène, mais avec ces femmes qui sont finalement des ombres ou des squelettes. Ouais. Mais c'est une très jeune artiste, Chamaeporn, née en 89, donc c'est notre plus jeune. Oui, elle a travaillé sur l'anorexie, encore là, qu'on trouvait qui, avec la thématique de l'aliénation, qui fonctionnait vraiment dans le sens de la thématique. Elle a travaillé avec un modèle, puis son modèle n'est pas vraiment anorexique. Elle a retouché un peu. Okay. Elle a retouché les photos. Ben, je suis presque contente de savoir ça, par exemple. Oui, je pense que les gens sont très impressionnés par ces photos. On a eu beaucoup de commentaires sur des gens qui ont vu l'exposition. Mais sont vraiment belles, ces photos, parce que c'est comme tu disais, elle a fait vraiment une mise en scène, mais c'est vraiment des photos très léchées, bien placées, avec le petit canard dans la chambre de bain sur le réservoir, la brosse, les objets, vraiment. Ouais, mais très frappant. Oui, effectivement. Puis dans un autre ordre d'idée de photos aussi très léchées, il y a Pylvie Queto-Leblanc qui oui. présente Echo of Melancholia, où elle s'intéresse à notre rapport à la nature. Puis aussi à une espèce de à l'aliénation, parce qu'elle vient d'un pays du Nord, qu'ils vivent une certaine aliénation, ils sont un peu retirés du monde, ils parlent une langue que pas beaucoup de gens mm-hmm. parlent. Donc c'est ce côté-là qu'elle a voulu explorer plus de. Voilà, Céline Marcotte, hey, là, on me dit que c'est le temps de terminer l'émission. Je veux juste mentionner, on n'a pas parlé des ambiances audio, mais il y a de l'art audio aussi, donc on peut emprunter des casques d'écouteurs à l'accueil au musée pour... au vestiaire. Voilà, au vestiaire, ça. Pardon. Donc, Céline Marcotte, directrice de Folliculture, merci beaucoup. Merci, je voudrais rajouter que l'exposition se poursuit jusqu'au 6 mai oui, prochain. Oui, voilà, c'est, vous m'enlevez les mots de la bouche. Donc, okay. Au Musée national des beaux-arts du Québec, c'est déjà tout pour l'émission. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous laisse avec Jules Chaumel et Folk d'Amérique.